Ok. Bon, en fait, fausse alerte, c'était la voisine. Bon, je vous cache pas que j'ai quand même eu peur, hein. Je me suis dit, ça y est, je vais pas avoir le temps, mais bon, c'est pas grave. En fait, non, elle était juste venue me demander si j'avais pas vu son chat qui s'était encore une fois sauvé. Ah non, bon, bah, désolé, madame, hein, moi, je sais pas. Bref, donc, on en revient à nos moutons. Donc, comme je vous l'ai dit avant que je sois interrompu, en fait, donc, Good Omens, ou De bons présages, en fait, non, c'est pas une fiction. Je saurais pas encore tout à fait vous dire ce que c'est parce que j'ai découvert des trucs, mais je sais pas encore toute la vérité. Mais en tout cas, non, c'est pas une fiction. Putain, je me sens perdu en fait. En fait, autant commencer par le commencement. Comme je vous disais, j'ai toujours eu une impression assez bizarre quand je regardais Good Omens. C'est par rapport à la scène dans la bibliothèque, qui pour moi c'est l'une des scènes les plus drôles de toute la série en fait. Bon, pour moi, en fait, la plus drôle, c'est celle en fait où Crowley engueule ses plantes. Et tu vois, Drawbadder! Et qu'on voit en fait les plantes qui tremblent, puis hop, là, il va mettre la fautive, puis il revient avec le pot vide, enfin, bon, bref, enfin, c'est pas le sujet. Et donc, il y a un passage, donc ça se passe dans la librairie d'Aziraphale, où il y a deux personnes qui débarquent. Donc, le premier, c'est Gabriel, le deuxième, je me souviens plus de son nom, là, sur le coup, ça me revient plus. Et en fait, ils veulent lui parler discrètement dans l'arrière-boutique. Et donc, ils tentent de lui faire comprendre ça subtilement. Sauf que forcément, comme ce sont des anges et des archanges, ils ne sont pas tout à fait au fait de comment fonctionnent les humains. Et il y a ce passage vraiment que je trouve hilarant. Alors, je suis plus tout à fait sûr, mais je pense que c'est le compère de Gabriel, en fait, qui lui dit « Oh, machin, nous voulons acheter de la pornographie !» Oui, vous savez, nous, les humains, nous sommes très embarrassés par la pornographie! Alors désolé, moi ça me fera toujours marrer en fait. Et le truc c'est que ça m'a toujours fait bizarre en fait. Je me suis dit, mais il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Et en fait c'est ça, c'est que la scène-là, j'ai déjà vécu. Ouais, je l'ai vécu. En fait, il y a 5 ans, j'étais en Angleterre. C'est-à-dire que là j'ai travaillé, enfin en tant que programmeur en fait, j'étais chez un prestataire, ça a duré 1 an et demi. Bon, ouais. Bon, c'est pas important, mais bref, j'y étais. Et forcément, bah voilà, je suis un rat de bibliothèque. Et un jour, bah, j'ai vu un gars qui est rentré dans la librairie dans laquelle j'étais. Bon, je sais plus ce que je cherchais à ce moment-là. Et t'as un gars qui est venu, qui a un peu fait le malin, et qui dit, eh machin, moi aussi je veux de la pornographie! Désolé, je suis tellement embarrassé parce que je veux de la pornographie! Bon, sur le coup, je me suis juste dit que c'était un rigolo ou quelqu'un qui cherchait à se faire remarquer, vous savez, ou quelqu'un qui a perdu un pari avec un pote. Et le truc, c'est que la librairie là, en fait, dans les jours qui ont suivi, il y a eu un incendie. Ouais. Ouais. Donc, c'est pour ça, si vous avez la série, regardez-la à nouveau. Si vous avez le bouquin, lisez-le à nouveau. Parce que je vous jure, il y a plein de détails qui sont troublants. Ouais. Faut que je vous donnerai ça pour la suite.